C'est à toi. Merci. Donc, au XIXe siècle, la consommation de boissons dites alcoolisées s'invite dans le quotidien des Français, notamment avec le commerce du vin et la distillation des alcools forts. Cela a permis de faire baisser les prix et révolutionner les pratiques de la boisson, désormais abordable pour tous. Il y a donc un essor des débits de boissons que l'on observe à Tours dans les années 1800 ou 1870. Et cet essor conduit le pouvoir politique à mettre en place une juridiction coercitive tout au long du XIXe siècle, d'ordre fiscal en 1816, avec la loi de finances du 28 avril, mais également sous Napoléon III, lorsque celui-ci interdit la création d'établissements de ce type sans l'autorisation préalable du préfet. Ce qui d'ailleurs n'est pas sans rappeler la législation sur la place de l'époque, où effectivement l'autorisation préalable du préfet est nécessaire pour la création d'un journal de février 52 à mai 68. Ainsi, au début du Second Empire, le café se voit au même titre que le journal, contraint et surveillé par le pouvoir, puisqu'il est par les activités qui s'y déroulent, telles que la lecture des journaux et les réunions subversives, un lieu du politique. Il peut cependant s'avérer compliqué de restituer la teneur des débats et des échanges internes à ce lieu. Néanmoins, lorsque les informations retrouvées dans les archives sont éparses, on peut retrouver deux véritables dossiers, notamment constitués de divers échanges entre le ministère de l'Intérieur et les autorités locales, et qui permettent de réaliser une véritable étude des cas du débit de boisson, et c'est cette approche qui a ici été retenue. En effet, au sein des archives départementales et plus précisément dans la série 4N consacrée à la police, on dispose d'un dossier comptant environ une trentaine de documents administratifs sur un cercle de sociabilité qui siège dans l'établissement d'Émile Moreau, liquoriste débutant à Tours au milieu du XIXe siècle. Et donc, dans un premier temps, nous allons voir ce débit de boisson comme un lieu de consommation, de sociabilité et de lecture. Ainsi, Émile Moreau crée son premier établissement à Tours en 1946, sur la place de Mont que vous voyez ici, avant de le déménager en 1848, ici sur la rue Royale. C'est la principale artère commerçante de la ville à l'époque et où il y a dès lors environ 6 débits de boissons installés. Et en parallèle de ses activités de débutant, il participe à la création d'un cercle de sociabilité, le cercle dit des Amis Réunis, présidé par un dénommé Durel. Et ce Durel, ex-avoué, est membre de la commission provisoire du département en 1848, où il remplissait la fonction de secrétaire général de la préfecture. On peut donc se demander en fait si l'implantation rue Royale en 1948 est permise par une forme de proximité avec le pouvoir préfectoral pendant les premiers mois de cette année-là. D'autant que la maison de Moreau héberge dès ses débuts ce cercle de sociabilité, composé d'après les dires du préfet d'Indre-et-Loire en 1853, de personnes d'opinions diverses. Cet avis est d'ailleurs attesté par la première trace de renseignements collectée par le commissaire de police centrale de Tours en 1850. En effet, dans une lettre adressée au préfet d'Indre-et-Loire, le 21 novembre 1850, ce dernier met en avant la diversité des cultures politiques présentes au sein du Cercle des Amis Réunis, ou appelé Cercle Moreau par l'administration. Je cite, « Le personnel est effectivement composé, en général, d'individus à opinion démocratique très avancée, mais il en a quelques-uns, en minorité, il est vrai, ayant des idées beaucoup plus modérées. » D'ailleurs, le commissaire évoque que cette pluralité politique conduit à une claire divergence entre certains membres, ce qui engendre un certain nombre de discussions bruyantes et de propos tout à fait déplacés au sein du débit de boisson. Le commissaire rapporte également que ces manifestations d'intérieur sont excitées, je cite, par la lecture des journaux. Cela peut en partie s'expliquer par les journaux politiques qui sont alors présents en Indre-et-Loire sous la Deuxième République. Ils sont effectivement au nombre de deux, l'un est conservateur, le journal d'Indre-et-Loire, quand l'autre est démocrate et ouvertement républicain, le Progrès d'Indre-et-Loire. On suppose donc que c'est ce dernier qui est le plus lu au sein du cercle Moreau. Tout comme d'autres journaux de ce même bord politique qui sont disponibles dans le département à l'époque via le système des abonnements. Mais encore à la suite de la faillite de la maison Moreau en 1956, un inventaire est réalisé et il nous renseigne sur la profusion des alcools qui sont disponibles dans ce lieu de consommation. Liqueurs, vins, sirops et autres eaux-de-vie. Donc je vous laisse regarder, effectivement on a tout un panel, il y a environ 60 à 80 pages dans l'inventaire réalisé en 1956. Mais l'inventaire nous renseigne également sur l'agencement des pièces où le cercle siégeait. On retrouve donc au premier étage de l'établissement deux salles. Une première salle dite du billard, et une deuxième salle contiguë à cette dernière. Le cercle Moreau dispose donc dans l'établissement et pour ses membres de toutes les commodités nécessaires avec une quinzaine de places assises, un billard, une table à jeu et plusieurs porte-pipes et porte-manteaux. L'ensemble étant parachevé par une décoration composée de plusieurs gravures et de tableaux à l'huile. En tenant compte de ces nombreux renseignements, il semble que ce lieu soit plutôt côtoyé par des individus majoritairement issus de la notabilité tourangelle. En résumé, en 1850, l'établissement est vu d'abord comme un lieu de parole et un espace de sociabilité, puis comme un lieu d'ébriété et enfin comme une institution de lecture collective. Dans une deuxième partie, nous allons voir désormais la surveillance de ce débit de boisson. En effet, les changements politiques induits par le coup d'État du 2 décembre 51 font de l'année 52 une année charnière où la législation envers l'opposition se durcit, tant au niveau des individus, avec la circulaire ministérielle du 2 février 52, que des entreprises de presse, avec le décret organique du 17 février 52. Pour preuve, en Indre-et-Loire, les condamnés politiques sont listés, et on retrouve notamment les anciens rédacteurs du journal républicain local, c'est-à-dire les rédacteurs du Progrès d'Indre-et-Loire que j'évoquais juste avant, qui sont tous les deux expulsés du département en 52. En résumé, les républicains et démocrates d'Indre-et-Loire subissent une forte pression politico-juridique. Mais qu'en est-il des lieux de sociabilité qu'ils côtoient, en l'occurrence ici, eh bien le débit de boisson d'Émile Moreau. Ainsi, un an après le dernier échange attesté entre le préfet et le commissaire de police centrale, on retrouve une deuxième trace de renseignements sur le cercle Moreau que vous voyez ici. Il s'agit d'un rapport de police fait en février 52. En effet, dans la nuit du 13 au 14, un agent de police, alors en patrouille, à 11h30 du soir, dit que deux messieurs sont sortis de la société de chez M. Moreau, Mont-Royal, et que dès qu'ils sont sortis, l'on a éteint les quinquets. En éteignant les lampes à l'huile, l'objectif est clair. Il s'agit d'effacer toute trace d'activité à une heure tardive, puisqu'en vertu d'un arrêté municipal de mai 44, les cabarets, cafés, billards, débits de boissons et petits spectacles ne pourront être ouverts au-delà de 11h du soir. Néanmoins, d'après le rapport, comme vous pouvez le voir, il semble que ce point n'ait pas été ouvertement rappelé à Émile Moreau, même si ce dernier semble en avoir pleinement conscience, puisque pour se justifier auprès de l'agent de police, il mentionne, je cite, qu'il croyait qu'il n'était pas plus de 11h du soir. Il est important en outre de relever que contrairement aux premières informations récoltées en novembre 50, eh bien, le cercle des amis réunis semble se réunir désormais non pas en journée, mais bien le soir, donc où le débit de boisson est censé être fermé au public, ce qui complique irrémédiablement toute forme d'infiltration physique, que ce soit par des agents de police ou par des mouchards. Enfin, comme notifié dans la marge du rapport, comme vous pouvez le voir, on remarque ici qu'il s'agit d'un premier avertissement qui, en cas de récidive, pourrait éventuellement conduire à la rédaction d'un premier procès-verbal lui-même adressé au préfet du département. Récidive il y a eu et elle est arrivée quelques mois après, en juillet 52, donc le 17, dans la nuit du 17 au 18, et un procès-verbal est établi dès le lendemain. Et ce dernier nous informe que lors d'une patrouille nocturne, un agent de police, cette fois-ci accompagné de 5 militaires, est passé devant le débit de boisson où se tenait à 11h15 du soir une réunion et que tout l'appartement donc, du premier étage où tient cette société était illuminé et où nous avons entendu parler fort. Par conséquent, l'agent de police sonne à la porte d'entrée donnant sur la rue Royale. D'abord, un individu est venu donc sur le balcon du premier étage et il s'est retiré sans demander qui avait sonné. Il s'agit, selon le policier, du garçon de salle. Puis, après avoir à nouveau sonné, le policier indique dans le procès-verbal que la même personne est venue lui ouvrir la porte en disant qu'on allait fermer. Entre-temps, le garçon de salle, donc du café, a, selon toute vraisemblance, averti les membres du cercle et mis fin à la réunion. Cette conclusion sur le rôle de l'employé du débit de boisson est en partie corroborée par le fait qu'un certain monsieur à la longue barbe, supposément membre du cercle, est sorti de l'établissement au même moment où le garçon de salle a ouvert la porte à l'agent de police. On observe dans ce cas de figure eh bien exactement le même comportement qu'au mois de février, à savoir que l'employé adopte la même posture que son patron. Il feint de ne pas s'être aperçu de l'heure réelle au moment du contrôle de police, il plaide clairement l'innocence. Or, on sait que les membres du cercle disposent d'une pendule, grâce à l'inventaire réalisé en 1956, Et d'autre part, ils savent pleinement qu'ils sont dans l'illégalité, notamment vis-à-vis de l'arrêté municipal de 44 que j'évoquais tout à l'heure, mais également vis-à-vis d'un arrêté pris par le préfet en décembre 51, qui rappelle une nouvelle fois l'interdiction de rester ouvert après 11h du soir. Les membres du cercle font donc preuve d'un profond mépris envers la réglementation, et celui-ci se confirme dans les mois qui suivent. Ainsi, dans une lettre adressée au préfet d'Indre-et-Loire le 4 décembre 52, le commissaire de police centrale mentionne deux nouveaux procès-verbaux établis les 7 et 14 octobre, où le cercle Moreau siégeait une nouvelle fois après 11h du soir et où plusieurs consommateurs s'y trouvaient encore. Le commissaire indique, dans cette même lettre, qu'Émile Moreau a été traduit, comme vous pouvez le voir, devant le tribunal de simple police le 22 octobre et le 18 novembre. Mais celui-ci refuse de se présenter aux deux audiences, ce qui conduit à un jugement par défaut qui le condamne à 9 francs d'amende et de frais de justice. Il fait opposition à ce jugement et le 2 décembre a lieu une nouvelle audience au tribunal de simple police qui le renvoie d'instance. Le précédent jugement est donc invalidé. Le commissaire de police centrale égrène ensuite au préfet, dans cette lettre qui lui est adressée le 4 décembre, que Émile Moreau ne peut pas être poursuivi pour les activités du cercle. Dans ce cas de figure, malgré le pourvoi en cassation, il apparaît évident que seule l'action du préfet peut mettre fin aux agissements du cercle dans l'établissement d'Émile Moreau. Toutefois, le commissaire ne s'en remet pas complètement au dit préfet et il tente de renforcer pendant le mois de décembre son dossier pour le pourvoi en cassation. Il cherche à obtenir des pièces complémentaires, par exemple une liste des membres qui est présente dans le cercle. Mais à travers des échanges qui se tiennent en décembre, on apprend que par mégarde, la préfecture du département d'Indre-et-Loire a perdu la liste des membres établie en conformité du décret du 28 juillet 48. Aussi, du fait de lacunes archivistiques, il ne nous est pas possible d'indiquer clairement la position du préfet vis-à-vis de ce pourvoi en cassation. Tout cas nous empêche de connaître la teneur des échanges entre le préfet et le commissaire de la fin décembre 52 à la fin février 53. Puisque à la fin février 53, à la suite d'une nouvelle réunion se tenant à un horaire prohibé, un procès-verbal est établi pour la première fois, non pas contre Émile Moreau, mais bien contre le président du cercle de sociabilité Durel. Et c'est grâce à ce PV que l'on apprend que la Cour de cassation aurait, d'après les membres du cercle, annulé le jugement rendu et que les membres refusent une nouvelle fois de laisser entrer l'agent de police. De fait, le commissaire ne peut pas les appréhender. Il se retrouve donc sans solution, sauf à s'en remettre à l'arrêté pris par le préfet que j'évoquais précédemment, du 12 décembre 51, qui, s'il est appliqué, peut entraîner la fermeture immédiate ou la dissolution d'un cercle. Encore faut-il arriver à sanctionner le bon individu, ce qui n'est pas le cas pour l'affaire qui nous intéresse, puisque de février 52 à février 53, le débit de boisson d'Émile Moreau a servi d'une certaine manière de paravent juridique au cercle des amis réunis. De plus, au-delà de l'aspect judiciaire, le comportement des membres doit être pris en compte, car ces derniers ont toujours mis en place des stratégies lors des contrôles de police. Quant à la disposition des lieux, le cercle siégeant au premier étage a elle aussi permis de contrecarrer toute forme aisée de surveillance depuis la voie publique. En résumé, l'établissement Moreau offre un certain nombre d'atouts pour éluder un an, dans notre affaire 12 mois, la pression des services de l'État. Mais désormais, nous allons voir comment va se passer l'application du dit arrêté préfectoral. Et finalement, l'application de cet arrêté va se transformer en une dissolution, éludée du cercle. Le mois de mars 53 augure d'un nouveau chapitre pour le cercle des amis réunis, puisque le commissaire change d'approche. Ainsi, lors de l'envoi le 3 mars du procès-verbal au préfet, le commissaire adjoint un document, ce que vous voyez ici, où il se permet de lui rappeler plusieurs faits. L'opinion républicaine des membres, les propos tenus à l'encontre de Napoléon III, le tout pour appuyer sa demande tout en insistant sur un point précis. Qui est en matière de contravention responsable? S'agit-il d'Émile Moreau, le propriétaire du débit de boisson et membre du cercle, ou bien du président de ce dernier, le dénommé Durel? Le commissaire rappelle aussi que le tribunal de simple police a bien mis en évidence le fait qu'Émile Moreau tenait, je cite, et comme vous pouvez le voir ici, un véritable café servant de réunion à des hommes d'une nuance politique exclusive, mais que ce tribunal l'a renvoyé d'instance car ce n'était pas lui qui pouvait être poursuivi pour faire cesser les activités illégales du cercle. Le commissaire semble lui-même ne pas croire que le pourvoi en cassation aboutisse et il incite donc à dissoudre le cercle. L'autorité préfectorale se saisit dès le lendemain de cette lettre, soit le 4, et dissout par arrêté le cercle des amis réunis. Cet arrêté est transmis au maire de Tours, charge à lui de le faire exécuter. C'est chose faite le 7 mars, lorsque les membres du cercle Moreau signent un procès-verbal attestant la dissolution de leur propre société. Néanmoins, dès le lendemain, le maire de Tours reçoit une lettre accompagnée d'un procès-verbal, le tout au nom de l'ancien président des Amis Réunis, Durel, l'informant qu'il fonde avec 8 autres membres un nouveau cercle et qu'il compte se réunir au premier étage du débit de boisson des Mille Moreaux en y louant un appartement, in fine le même que celui utilisé par le cercle des Amis Réunis, utilisé précédemment. À la suite de ces nouveaux jaillissements, la préfecture d'Indre-et-Loire et le ministère de la Police Générale échangent tout au long du mois de mars pour vérifier la légalité de ces derniers agissements. En effet, le droit de réunion est à l'époque régi par l'article 291 du Code pénal, lui-même renforcé par la loi du 10 avril 34, où nulle association de plus de 20 membres ne pouvait se former qu'avec l'agrément du gouvernement et sous les conditions qu'il plaisait à l'autorité publique de lui imposer. Or ici, cette nouvelle société se situe sous ce seuil. De fait, il n'est pas légalement possible d'interdire ce cercle. On voit clairement que les opposants politiques se positionnent intelligemment vis-à-vis de la loi. Leur stratégie, donc, de tirer parti de la faille juridique et font preuve d'une réelle capacité d'adaptation, voire d'une certaine agentivité. Cependant, le préfet ne s'avoue pas entièrement vaincu par cette situation, car il rappelle que l'article 13 de la loi du 28 juillet 48 permet d'atteindre les sociétés secrètes, tout en faisant le constat qu'il serait difficile pour lui de prouver que le nouveau cercle agit tel quel. Et la réponse du ministère que vous voyez ici, en date du 19, est intéressante, car il conseille au préfet un cas de figure où l'on pourrait considérer, je cite, « l'association comme constituant un comité secret chargé de maintenir les rapports entre les divers membres de la société dissoute et de diriger et continuer clandestinement l'action politique de cette société ». Toutefois, si le procureur ne conçoit pas ainsi la question, ce qui est in fine le cas, eh bien le ministère suggère au préfet de mettre toutes les dispositions de surveillance qu'il croirait nécessaires, telles que la vérification des registres et de la correspondance, faire pratiquer des visites domiciliaires, soit dans le local de la réunion, soit au domicile des membres qui la composent. Mais les lacunes archivistiques ne nous permettent pas d'établir si oui ou non ce processus a été mis en place dès le printemps 53, pour la société nouvellement créée et hébergée par la maison Moreau. Effectivement, ce n'est qu'en 57, soit 4 ans après, que l'on retrouve une nouvelle trace de surveillance. Il s'agit d'une lettre du commissaire de police centrale adressée au préfet d'Indre-et-Loire le 4 janvier, où on le retrouve le président Durel, qui est présenté comme celui qui a permis à l'association de ne pas dépasser les limites de la légalité. Et c'est grâce à ce document qu'il nous est possible de rendre compte pour la première fois, eh bien, des professions des membres du cercle. Architecte, agent d'affaires, officier de santé, clerc de notaire ou bien encore marchand mercier. Ce sont donc en grande partie des bourgeois et des hommes de loi, ce qui corrobore une nouvelle fois leur comportement vis-à-vis de l'administration. Ils connaissent ces failles puisqu'ils en ont eux-mêmes fait partie entre 48 et 51. Aussi, nous avons des informations sur la civilité de certains membres, à l'image de Charles Plumereau, que vous voyez ici, agent d'affaires et socialiste notoire, mis sous surveillance par la commission mixte du département d'Indre-et-Loire dès le printemps 52. Ce n'est d'ailleurs pas le seul des membres de cette société à avoir été visé par cette commission 52, à l'image de François Vincent, ici, architecte et ancien commissaire du gouvernement provisoire à Loches, donc toujours une ville d'Indre-et-Loire, en 48. Lui a été expulsé du département et interné à La Rochelle de mars 52 à mai 56, puis affranchi provisoirement par le ministère de l'Intérieur, ce qui ne l'empêche pas, donc juste après son affranchissement provisoire, de côtoyer le cercle Moreau, la nouvelle société. En conclusion, l'établissement Moreau est vu par l'administration comme un lieu de sociabilité, de consommation et de lecture des journaux, avec, dès son ouverture, l'implantation au premier étage du cercle des Amis réunis, où la police parvient, au moins jusqu'en 1850, à connaître la teneur des débats alimentés par la lecture des journaux. Néanmoins, la surveillance accrue mise en place à partir de décembre 51 vient totalement bouleverser ce paradigme. Les réunions se tiennent désormais à des heures tardives, quand les rapports et les procès-verbaux réalisés pendant l'année 52 par la police de Tours permettent d'attenter plusieurs actions en justice, mais faute d'une procédure ciblée contre le président du REL, donc contre le président du cercle, et couplée à la connaissance que les membres du cercle ont de l'administration, toutes les actions en justice échouent. On voit là encore toute l'intelligence et la stratégie qui caractérisent les républicains. Le café reste pour eux un excellent paravent pour leurs activités d'opposants politiques, au moins jusqu'en janvier 57, puisque on perd la trace à ce moment-là, on n'est pas trouvé après. Et donc cet ensemble constitue bien un véritable lieu du politique où les activités de consommation et de sociabilité sont indissociables. Je vous remercie pour votre écoute.